Jérôme Laronze. Jérôme Laronze, une émission de Radio Zinzine. Jérôme Laronze est un éleveur qui a été assassiné par les gendarmes de 3 balles dans le dos le 20 mai 2017. Je vous propose donc d'écouter une interview d'un agriculteur de Saône-et-Loire, une interview qui a été réalisée par Canal Sud, une radio du sud-ouest de la France. Donc tout de suite, cette interview qui commence en musique. Nous sommes jeunes et nous sommes innovants et paysans, nous sommes dignes et debout, les paysans. On aspire à une vie paisible, on ne demande pas l'impossible, mais les géants aux ombres invisibles nous tiennent en joue, on est la cible, tout ce qu'on jamais en arrière, car c'est devant qu'est la lumière. Ensemble, c'est sûr, on pourra faire, sauf si on nous mène à la misère. C'est pourtant nous qui nourrissons la France. On n'en veut pas des chaînes de dépendance. Paysans, nous sommes fiers d'être paysans. Nous sommes libres. Voilà, donc c'est un clip des jeunes agriculteurs pour leur congrès à 2016 et ça ressasse un petit peu tous les clichés qu'on peut entendre et cette idée qu'on protégerait nos paysans, nous en France. Eh ben on va évoquer un cas un peu un tragique, hein, c'est une mort, celle de Jérôme Laronze, un éleveur en Saône-et-Loire. Il a été tué le 20 mai 2017 par des gendarmes. On va faire le rappel des faits là avec Fabrice, hein, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour. Voilà, agriculteur en Saône-et-Loire. Donc, on va reprendre cette histoire par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par l'expérience, parce que il y a un tract de la CNT Interco 71, les flics tuent dans les cités comme dans les campagnes, qui a le mérite de faire le lien donc entre cet assassinat policier de Jérôme Laronze et d'autres crimes qui se passent en général dans les quartiers populaires, dans les cités. Et là où on voit un parallèle clair, c'est que dès le départ, on nous raconte des histoires. Sur chaque crime policier, on a une histoire qui sort très vite. C'est fou comme il n'y a pas de secret de l'instruction dans ces cas-là. Et là, je vais raconter l'histoire que j'ai eue depuis ma Haute-Garonne en regardant ou en écoutant plutôt la radio. En gros, il y a un type qui fonce avec un tracteur sur des gendarmes. Les gendarmes, pris de panique, tirent sur le type meurt. Voilà. Est-ce qu'on peut reprendre l'histoire avec toi, Fabrice, hein, t'es dans le coin, t'es agriculteur aussi, toi, comment est-ce que t'apprends ça, et puis, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plutôt quelle est l'histoire réelle de Jérôme, en tout cas ce qu'on en sait aujourd'hui? Ouais, alors, effectivement, Jérôme est un éleveur qui travaillait et habitait à quelques dizaines de kilomètres de chez moi, et donc très rapidement, la nouvelle s'est répandue qu'il avait fui un contrôle, comment c'est. Donc effectivement, et la presse locale a fait pas mal de battages médiatiques là-dessus. C'était un petit peu son fonds de commerce pendant la cavale, qui a duré une dizaine de jours. Évidemment, le battage médiatique s'est prolongé après la mort dramatique de Jérôme. Oui, alors on a un article du 19 mai, hein, c'est-à-dire que, pour reprendre l'histoire, en fait, il a pas mal de contrôles, comme beaucoup d'agriculteurs, on va en reparler. Et, on parle bien de contrôle administratif, de contrôle là, on n'est pas sur un contrôle routier. Oui, oui, il n'est pas sans papier. Ouais. Et puis, sur un énième contrôle, il s'en va en cavale. Exactement. Donc, pour ce que j'en sais, et en fait, j'ai les informations que j'ai, il y en a beaucoup que j'ai lues dans la presse, donc... à prendre avec des pincettes, mais il était dans le collimateur de l'administration, de cette administration en particulier, qui est la DDPP, Direction départementale de la protection des populations, depuis les années 2010, avec déjà de nombreux contrôles, de nombreuses visites. Et puis ça s'était un petit peu accentué, en tout cas on avait passé un palier en 2016, quand les contrôleurs, qui ne se déplaçaient plus seuls, étaient accompagnés de gendarmes. Alors, ils avaient quand même pris le soin de contacter les syndicats, en tout cas au moins deux, à savoir la FDSEA et la Confédération Paysanne. Il faut rappeler que Jérôme faisait partie de la Confédération Paysanne, il en a même été le porte-parole, co-porte-parole pendant une période. Et ils avaient quand même eu la délicatesse de prévenir ces personnes-là, et des personnes de la Confédération Paysanne avaient pu se rendre sur place le jour du contrôle et tenir les forces de l'ordre un peu à l'écart, et jouer leur rôle de médiateur entre Jérôme et les contrôleurs. Malgré tout, d'autres contrôles ont eu lieu la même année, en 2016, dont certains sans présence de proches de Jérôme, qui ont fini de manière dramatique avec des bêtes qui se sont noyées dans un ruisseau par l'incompétence cinq des bêtes, contrôleurs. Hein. Alors que Jérôme, lui, était tenu au bout du champ presque en joue. En tout cas, il était entre deux gendarmes qui étaient armés et qui lui interdisaient tout mouvement. Ça, c'était 2016. Et puis, avec l'aide de la Confédération Paysanne, on pourra revenir sur la forme d'aide qu'a apportée la Confédération Paysanne. Toujours est-il que sa situation administrative a été plus ou moins réglée à l'issue de cet épisode 2016. Il l'avait remis dans les clous. Et puis, Jérôme, qui manifestement n'entendait pas se laisser intimider par l'administration, a repris ses pratiques libre, pour ainsi dire, où il refusait de se soumettre aux obligations, notamment de traçabilité, de déclaration, des naissances et des mouvements de ces bêtes. Si bien qu'en 2017, donc le 11 mai, les contrôleurs sont revenus à l'improviste, accompagnés de gendarmes, pour une grosse démonstration de force sur la ferme de Jérôme. Comme il n'était pas prévenu, il était au volant de son tracteur, et il a fui, tout simplement, ce contrôle, en tracteur. Donc, il a probablement effectivement roulé en direction de la sortie de ses fermes, mais comme le groupe de gendarmes et de contrôleurs se trouvait à ce niveau-là, ils ont dû s'écarter pour le laisser passer. Mais il avait probablement pas l'intention de leur rouler dessus, mais surtout de fuir ce contrôle pour échapper à ce contrôle qui s'imposait à lui de manière complètement surprenante. Et à partir de là, s'est enclenchée une cavale qui a duré 9 jours, où Jérôme s'est retranché dans la campagne autour de Cluny, et a entamé une communication avec le journal local. Le journal de Saône-et-Loire, exactement, qui a permis de mieux cerner les intentions du personnage. Alors ses voisins le connaissaient, ses pratiques agricoles ne faisaient pas l'unanimité, mais il a pu avoir une tribune qu'il n'avait pas auparavant, qu'il n'a pas eu au sein de la Confédération paysanne. Et là, il avait une tribune du fait de cette fuite et de la médiatisation de sa fuite. Et il l'assumait précisément comme tel. Il y a plusieurs articles où il dit « j'ai aucune intention de me suicider ». Il y a même un article qui est titré « Ni suicide ni reddition » où il explique qu'il part en campagne. Il faut se rappeler que c'était la période de la campagne électorale pour les présidentielles et que lui-même dit « je vais partir en campagne pour médiatiser cette cause du paysan, en tout cas telle que lui la vivait, et on pourra en reparler, telle que beaucoup d'agriculteurs la vivent aujourd'hui, souvent dans le silence ». Quand on parle d'article, il faut savoir, c'est une pleine page dans le journal local, c'est-à-dire c'est pas du tout des entrefilés, pas vraiment d'une pleine page, un gros titre, mon tracteur était le seul moyen d'avoir le droit à la parole, etc. Et il dit l'hyperadministration qui n'apporte rien aux agriculteurs, sinon de l'humiliation. Et il dit mon cas n'est pas anecdotique. Alors il y a deux choses, parce que il parle de ni suicide ni reddition. Je pense que s'il faut le réintégrer dans la vie des agriculteurs, on parle d'un suicide tous les 3 jours dans les fermes de France, c'est-à-dire le suicide d'agriculteur, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de voilà, c'est un tous les 3 jours. Et je pense que quand on est de la partie, on sait que ça arrive, quoi. Et donc il parle d'hyperadministration, de contrôle, etc. Et il y a d'autres cas en Saône-et-Loire de ces contrôles-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi qui es agriculteur? Qu'est-ce qu'il y a comme autre cas comme ça de contrôle? De comment c'est vécu ça? Ouais, si tu permets, on va peut-être juste finir par la fin de l'histoire, parce que c'est quand même vraiment très grave ce qui s'est produit, et il faut qu'on l'énonce clairement, c'est que à l'issue de cette cavale, Jérôme a été tué 2-3 balles dans le dos par des gendarmes, alors qu'il était dans sa voiture, et qu'une fois de plus, il tentait de s'enfuir, de prendre la fuite, alors qu'il allait être interpellé par 2 gendarmes. Voilà, c'est quand même la chute de l'histoire. Ce qui a été finalement très peu communiqué sur les médias nationaux, c'est que finalement, Jérôme a été abattu 2 balles dans le dos. C'est important, parce qu'évidemment, comme tu disais, le préfet, il y a une version officielle qui sort très tôt. Le préfet a tout de suite parlé de légitime défense. Mmh. Les impacts de balles dans la voiture et le rapport d'autopsie sont absolument formels. Il a été tué de balles dans le dos. Les gendarmes se situaient à l'arrière, enfin derrière le véhicule ou sur le côté. Et une information très récente, là, vendredi, on sait que le gendarme, après avoir été auditionné, est mis en examen au tribunal de Mâcon. Donc on sait que voilà, il y a une mise en examen qui aboutira probablement sur un procès. La défense se construit du côté du gendarme. Évidemment, la famille, la sœur est avocate, donc elle mène le dossier de très près. Mmh. Et puis il y a certaines organisations locales qui viennent appuyer la démarche, on en reparlera peut-être après. D'accord. Pour revenir au contrôle, effectivement, bon, Jérôme est un cas parmi d'autres. Alors, c'est un cas qui est effectivement tragique. Tu viens de le dire, il y a de nombreux cas qui se terminent par des suicides, dont on parle moins, aussi parce que c'est un peu une honte du milieu agricole. Donc, on en parle très très peu. Ils sont même rarement reconnus comme liés au travail. On va souvent chercher des causes extérieures, des relations de couple, de famille, des situations financières, mais qui on fait rarement le lien avec l'activité agricole, qui est quand même centrale, qui occupe plus de la moitié du temps de la vie d'un agriculteur et qui nécessairement a des conséquences aussi sur sa vie de famille, sur sa situation financière, sur son isolement, sur tout un tas de choses. Donc le suicide des agriculteurs, qui est nettement supérieur à celui du reste de la population française, est lié aussi aux conditions de travail, et ça on peut difficilement l'exclure, quoi. Et puis il y a tous les cas qui se terminent soit par une cessation d'activité, soit par une forme de consentement et de résignation, ou une attente qui parfois aboutit à un gain de cause assez rare. En Saône-et-Loire, on a le cas de maraîchers qui, dans les années 2013, spécifiquement d'ailleurs les maraîchers bio en vente directe, ce qui était assez étonnant, subissaient les contrôles de la DRAF, donc la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, qui est l'organe régional du ministère du même nom, pour quelque chose qui s'appelait le paquet hygiène. C'était un règlement européen qui imposait certaines conditions d'hygiène dans tout type de production agricole. Pour ce qui est du maraîchage, ça touchait essentiellement à la qualité de l'eau d'arrosage, la qualité de lavage, de l'eau de lavage des légumes, mais aussi la propreté du conditionnement, et tout un tas de bonnes pratiques qui parfois n'ont pas forcément de sens sur les petites fermes, mais qui dans un processus industriel visent à limiter certains risques. Il se trouve que dans ce texte européen, en préambule du texte et dans les articles du texte, il était mentionné explicitement que le règlement ne s'appliquait pas aux petites fermes en vente directe, et il précisait même la raison de cette exception, du fait de leur relation de confiance avec leur clientèle. Tous les contrôles en Saône-et-Loire ont porté sur des petites fermes en vente directe. Donc évidemment, la contestation s'est organisée pour signifier avec l'administration qu'elle était hors des clous et que leur mise en demeure et leur menace d'amende n'avaient pas de sens et que du coup, on n'y apporterait pas de réponse ni de changement dans les pratiques de ces agriculteurs. Malheureusement, la Confédération paysanne, en tout cas les porte-paroles, qui ont d'abord hébergé cette discussion entre producteurs, se sont rétractés et ont plutôt souhaité aller dans un débat avec cette administration répressive, hein, qui est toujours ouvert à ma connaissance. Pour ma part, j'ai quitté cette organisation, mais pour les échos que j'en ai par les collègues agriculteurs, c'est que l'administration les mène par le bout du nez. Elle a même prétendu qu'en l'absence de traduction dans le droit français de ce règlement européen, elle avait pris la liberté de contrôler tout le monde. Donc on voit très bien que l'administration procède de manière complètement arbitraire, puisque ça ne repose sur aucun texte de loi, c'est sa propre interprétation qui fait foi. Et aujourd'hui, on n'a pas de force politique pour s'opposer à cet arbitraire. Donc c'est extrêmement problématique. Alors c'est intéressant ça, parce que du coup, pas de force politique, ça permet d'arriver sur ce collectif d'agriculteurs contre les normes, hein, qui est sur les fonds baptismaux depuis pas longtemps, qui dit à un moment dans son texte un peu fondateur là pour l'instant, seul un mouvement collectif permettra d'enrayer la machine qui nous broie, et on se pose la question de la place des parce que on a une vision quand on est en ville, des organisations syndicales paysannes comme des forces de frappe importantes. On pense aux colères paysannes, et d'un coup, on se rend compte que, là, dans ce que tu racontes, finalement, beaucoup de gens, et là, dans cette histoire de Jérôme Laronge, beaucoup de gens sont à poil, en fait, face à l'administration. Et on a une autre vision de l'agriculture, d'un coup, qu'on n'a pas quand on est en ville, au final, hein, parce qu'on a des démonstrations de force qui nous tendent à penser autre chose, c'est-à-dire on a plutôt l'impression que les agriculteurs sont plutôt bien servis. Qu'est-ce qui se passe avec les organisations? Quelle marge de manœuvre vous avez? Comment ça se passe? Je suis un peu embêté pour te répondre parce que j'ai qu'une expérience très locale du syndicalisme. Je pense que le livre Le Paysan Impossible apporte une analyse beaucoup plus globale, beaucoup plus détaillée. En tout cas, pour ce qu'on vit ici, je peux te dire que il y a un refus de la conflictualité. Et c'est quelque chose que j'observe pas uniquement dans les syndicats, mais dans toute la vie en général, c'est que le conflit est vécu comme quelque chose d'extrêmement négatif. Là où, pour moi, il apporte le fait de nommer le problème, ça permet de traiter le problème. Si on ne nomme jamais le problème, alors on esquive et on bidouille et on bricole et on est effectivement dans une forme d'accompagnement de la nuisance, en prétendant la réduire, la contenir, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, le fait de ne pas s'opposer frontalement, implicitement, on va accompagner les nuisances et désagréments et tout ce que ça porte derrière de répression, de contrôle, etc. Pour être plus précis, vous prendre un exemple, la Confédération paysanne et la FDSEA ont parlé de la même voix en disant qu'il faut, je module un petit peu, je suis pas en train de dire qu'ils disent la même chose, mais en tout cas, ils l'ont exprimé de la même manière en entendant des choses un petit peu différentes et qu'il fallait humaniser les contrôles. C'est-à-dire que ni la Confédération paysanne, ni la FDSEA n'a remis en question l'utilité de ces contrôles. En disant, les agriculteurs touchent des primes. Donc déjà ça, c'est pas remis en question. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est quelque chose qui semble tout à fait naturel, qui ne choque plus personne. Les agriculteurs touchent des primes et vivent de ces primes. Il est normal que la puissance d'État ou la puissance supranationale de l'Europe contrôle cette production. Donc il n'y a plus la réflexion sur l'utilité du règlement, de la norme et ses finalités, elle n'est même plus débattue dans ces organisations-là. Ouais, et du coup c'est ce que aussi Jérôme disait dans sa lettre, hein. Il attaquait assez fort, et tu dis, hein, c'est un ancien de la Confédération paysanne, porte-parole, il attaque assez dur. Il parle de rentier du syndicalisme. Visiblement, les gens se sentent un peu lâchés. J'ai l'impression que c'est ce qui s'exprime dans votre texte sur l'État élimine les agriculteurs, hein, refusons les normes, évitons les balles du collectif d'agriculture contre les normes, d'agriculteurs contre les normes, pardon. Et est-ce qu'il y a des perspectives en Saône-et-Loire? Qu'est-ce que ça a provoqué chez les agriculteurs, ce drame? Est-ce que Est-ce qu'à partir de ça, il y a quelque chose qui se constitue, une prise de conscience? Parce que du coup, quand même, ça a été un feuilleton, ça a été quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe quand on est proche et que finalement, on partage les mêmes conditions d'existence? Tout de suite, il y a une identification au cas de Jérôme. Je pense que beaucoup d'agriculteurs se disent « mais ça aurait pu se produire chez moi, ça aurait pu être moi à la place de Jérôme », parce que de très nombreux agriculteurs ont déjà vécu des contrôles qui se passent mal, avec des contrôleurs qui ont une posture d'intimidation, qui viennent en étant persuadés que l'agriculteur est fautif et donc son rôle n'est plus de contrôler avec bienveillance, mais d'aller trouver la faille dans la ferme d'un tel ou d'un tel. Donc évidemment, la première réaction des agriculteurs, c'est de se dire mais bon sang, ça aurait pu être moi, et du coup ça touche effectivement personnellement, ça projette dans des perspectives qui sont pas réjouissantes, et je crois que la première réaction, c'est le choc, quoi. On est abasourdi par ce qui vient de se passer. Et comme je disais tout à l'heure, les pratiques de Jérôme, elles faisaient pas du tout l'unanimité, mais par contre, ce qui faisait l'unanimité, c'est que on ne tue pas des gens parce qu'ils fuient un contrôle. Ou même on ne tue pas des gens parce qu'ils ne sont pas en règle, parce qu'ils n'ont pas mis de boucle à leur bête ou parce qu'ils n'ont pas déclaré les mouvements de leur bête. Donc y a la première réaction, c'est le choc vis-à-vis de la répression et de la violence policière en général. Alors effectivement, la CNT a fait un communiqué où elle fait le lien entre les conditions des agriculteurs qui s'affichent là violemment. C'est-à-dire que tout ce qui était vécu, qui était plus de l'ordre de la menace, une pression morale, là, s'affiche brusquement par la mort d'un agriculteur. La CNT fait le lien avec ce qui peut se passer dans d'autres secteurs, dans d'autres territoires, que ce soit dans les cités populaires, dans les manifestations, dans les mouvements syndicaux, où cette violence, elle s'exprime parfois de la même manière. Alors, je pense à la mort de Rémi Fraisse, je pense à Adama Traoré ou à Amine Bentoutsi pour les plus médiatisés. Tout ça, ça relève de la même manière de procéder d'un État répressif qui administre et qui entend administrer tous les points de vie aujourd'hui. Donc la première réaction, c'est vis-à-vis des violences policières. Après, bien sûr, les langues se délient quand il s'agit de la condition agricole. Et des agriculteurs. Les agriculteurs, quoi qu'on en dise, restent des personnes qui sont relativement isolées et qui internalisent beaucoup de leurs contraintes. Il y a une espèce de honte un petit peu à parler de ces difficultés, qu'elles soient financières ou qu'elles soient d'ordre administratif. Le fait que Jérôme ait été tué par des gendarmes donne la parole à certains d'entre eux qui se retrouvent dans des situations extrêmement critiques et qui pourraient pressentir que ça pourrait se passer mal pour eux si on continuait sur la même voie. Et donc, on a le cas, par exemple, d'un éleveur qui est harcelé depuis plusieurs années parce que c'est un ou deux hivers, il a des années difficiles, il a du mal à rentrer du fourrage, il n'a pas du tout de trésorerie. Et effectivement, en hiver, sur la fin de l'hiver, ses bêtes sont un peu maigres parce que, vraisemblablement, il a pas les moyens de les nourrir pour les nourrir correctement. Il y a un problème et là, l'administration souhaite faire une saisie du bétail pour euthanasier. Alors que si on retourne chez cet éleveur trois mois après, quand les bêtes sont sorties, sont au pré et qu'elles ont de l'herbe fraîche, elles sont magnifiques. Alors, on a des agriculteurs qui ont des difficultés, et au lieu d'essayer de comprendre, un, d'où viennent ces difficultés, et deux, d'y apporter des solutions, on va les précipiter dans quelque chose qui est encore pire. On va leur retirer leur outil de travail, on va leur interdire de commercialiser leur viande, on va mettre tout un dispositif qui tente à les faire disparaître finalement. Ouais, on a vraiment cette continuité de cette violence policière un peu extrême hein, qui aboutit à la mort de Jérôme et une série de contrôles, de pratiques administratives qui organisent ouais. Une violence au quotidien, quoi. C'est vraiment un dispositif continu depuis l'installation, et là même à ce qui précède l'installation, c'est-à-dire beaucoup d'agriculteurs s'installent avec des aides de l'État et de l'Europe, mais pour ce faire, elles doivent s'inscrire dans un processus qui est long, qui est compliqué, et qui est nécessairement encadré par des administrations. Et dès ce moment-là, on évolue dans un cadre administratif extrêmement rigide. Là, c'est le bouquin de Xavier Nolian, Le ménage des champs, qui est extrêmement éloquent à ce sujet et qui reprend point par point dans les différentes étapes de la vie d'une ferme, quelles sont les interactions et quels sont en fait les cadres imposés

puisque les divers syndicats, que ce soit la FNSEA ou la Confédération Paysanne, ne l'ont pas accompagné dans ce combat, puisqu'ils remettaient en question des réglementations et des normes administratives, que les syndicats actuels contribuent, par le fonctionnement de co-gestion qui s'est mis en place dans l'agriculture aujourd'hui, à créer. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le concept de co-gestion ? Oui, c'est-à-dire que on est passé d'un syndicalisme qui était un syndicalisme de lutte à un syndicalisme qui est même aujourd'hui, pour la Confédération Paysanne, surtout orienté sur le fait de rentrer dans les ministères, pas directement dans les ministères, mais dans les commissions autour des ministères, dans les chambres d'agriculture, et d'arriver à influer, de faire du lobbying sur les réglementations, les normes, qu'elles soient nationales et ensuite européennes, pour influer sur les directions que prendrait l'agriculture, sur quelle forme d'encadrement elle prendrait. Mais plus personne ne remet en question le fait qu'on est passé d'une activité qui était une activité d'autonomie, de communauté de gens qui vivaient quelque part et qui pouvaient y vivre grâce à une activité agricole, de manière indépendante et autonome, à une activité qui, depuis 60 ans, est devenue une des plus administrées de tous les secteurs, et que c'était effectivement avant-guerre peu un secteur économique avec des filières, et que tout le travail de l'État et de l'industrie a été de faire rentrer l'agriculture et les agriculteurs dans des filières économiques où ils sont plus que des gens qui font passer des produits manufacturés et qui créent de la richesse pour les entreprises avant eux et après eux, mais pas pour eux. Et les syndicats ont participé à cette co-gestion de l'agriculture. Certains plus, disons que la FNSEA le fait quasiment depuis tout le temps, et la Confédération Paysanne s'est mis à le faire, ce qui fait que quand quelqu'un pose une problématique comme Jérôme Larronze en disant la traçabilité, l'hyper-administration ne sert pas l'intérêt des agriculteurs et des paysans, il se retrouve assez seul, puisque lui, c'est ce qu'il disait dans un texte qu'il avait envoyé au journal de Saône-et-Loire, où il le dit tel quel. Il dit « L'hyper-administration n'apporte rien aux agriculteurs, sinon de l'humiliation et des brimades, là je le cite. Cela ne rapporte qu'aux marchands et aux intermédiaires. Mon cas est anecdotique, mais il illustre l'ultra-réglementation qui conduit à une destruction des paysans. » Donc voilà, il s'est retrouvé seul, il s'est battu seul face à l'administration, et suite, vous avez dû le raconter, hein, suite à un moment où il a dû partir de sa ferme en cavale parce qu'il son troupeau menaçait d'être abattu, saisi et abattu, et lui-même menaçait d'être arrêté. Il y a eu une traque qui s'en est suivie, et il a été abattu par des gendarmes dans l'après. Donc il y a eu ce fait-là qui nous a fait nous retrouver. Moi, je ne le connaissais pas, Jérôme Larronze. Il s'est retrouvé plein de personnes à Mâcon, suite à la veillée qui a suivi au début de l'été, le 20 juillet, une veillée qui a été appelée par sa famille et par des proches. Et là, se sont retrouvés beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices d'un peu partout, des gens du coin, plus des gens qui sont venus d'assez loin, d'un peu toute la France, parce qu'ils étaient choqués. Choqués que ce gars ait été tué, choqués de voir que les choses qu'il disait, que beaucoup de personnes pensent dans les fermes, mais sont trop isolées pour pouvoir le dire ou prennent pas le risque de le dire, lui l'avait fait, et que ça finisse par sa mort. Donc voilà, on s'est retrouvés, il y a eu beaucoup de discussions. Sur ceux étaient sortis aussi, juste avant, dans le printemps, deux livres qui ont pas mal contribué à la réflexion ces derniers temps. Un livre de Yannick Ogor qui s'appelle « Le paysan impossible » et un livre de Xavier Nouliane qui s'appelle « Le ménage des champs ». Tous les deux aux éditions du Bout de la Ville. Et ces deux livres, écrits par deux agriculteurs, parler à distance l'un de l'autre, mais un peu d'une problématique commune, c'est comment aujourd'hui l'encadrement administratif est devenu énorme sur le secteur agricole, comment tout est fait pour industrialiser cette activité, et que un des effets principaux de l'industrialisation, c'est de faire disparaître 90% des paysans depuis 50 ans. Donc c'est une élimination planifiée et organisée. Eux, ils montrent comment effectivement elle est planifié, et par l'État et par l'industrie, afin de concentrer les productions et de concentrer du capital, il faut libérer de la surface et donc éliminer des agriculteurs. Ça, plus Stéphane Dinard, qui effectivement est un éleveur en Dordogne qui fait de l'abattage à la ferme depuis longtemps, en expliquant pourquoi, en expliquant qu'il ne veut pas amener ses animaux dans des lieux d'abattage industriel, et qui pense que c'est important qu'il les élève comme il faut, et que du coup leur mort se passe aussi dans des bonnes conditions, donc dans leur lieu de vie, et qui du coup a été convoqué par le procureur. Là, le pour être jugé. Bon, il a obtenu un délai pour sa défense, donc c'est quelque chose qui est en cours là pour l'instant. Alors lui, ce qui semble assez paradoxal, c'est qu'il a été invité dans le même temps par le procureur au tribunal de Périgueux. Enfin, il a été convoqué par le procureur au tribunal de Périgueux, et quasiment dans le même temps, ou juste avant, il avait été invité à une commission parlementaire. C'est ça. Il a été auditionné à la commission parlementaire sur les abattoirs, là, qui était présidée par un député qui s'appelle Valorny, qui est honnêtement une commission parlementaire qui a été plutôt, histoire de dire, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, une fois de plus, l'État écoute les problématiques, prend en charge, et puis la réponse est venue assez vite derrière, convoquée devant le procureur. Donc voilà, il y avait cette commission, elle a été un peu du foutage de gueule sur la question de fond, puisque finalement elle a débouché sur la mise en place de caméras de vidéosurveillance dans les abattoirs, c'est-à-dire comment faire porter la responsabilité sur les salariés et surtout pas remettre en question le système industriel, comment alourdir en plus ça. En fait, c'est ce qu'on constate déjà, c'est que dans les abattoirs, les animaux effectivement sont en souffrance, et les salariés le sont aussi, et ils se sont dit, plutôt que de changer ça, on va appuyer sur ceux qui sont les plus faibles, on va renforcer la surveillance des salariés, leur créer des conditions de travail encore plus dures. Voilà, c'était vraiment du foutage de gueule en termes de réponse, et la réponse sur le terrain, c'est qu'il est convoqué devant le procureur, hein. Alors suite à cela, vous étiez un certain nombre à essayer de vous soulever, et puis de lancer une initiative qui serait le collectif d'agriculteurs contre les normes. Vous invitiez à une rencontre, c'était le week-end dernier, dans le Haut Beaujolais à Sanves, donc au-dessus de Lyon, pour parler de ces cas-là, et puis j'imagine aussi pour trouver une issue collective. C'est ça. Alors comment s'est passée cette rencontre ? Elle s'est bien passée. En fait, on avait choisi de la faire pas très loin de Mâcon, puisque c'est à un quart d'heure de Mâcon, qui est un lieu qui est important pour nous, parce qu'il y a tous les 20 de chaque mois des veillées. Donc c'est important de le dire, d'ailleurs, tous les 20 de chaque mois à Mâcon, Square de la Paix, 19h à 21h, il y a des veillées pour savoir où en est l'avancement du procès des gendarmes qui ont abattu Jérôme Laronge, pour savoir comment la famille de Jérôme Laronge, qui s'occupe de la ferme, s'en sort, s'il a besoin de coup de main ou pas, et puis pour continuer les discussions et le combat qu'avait démarré Jérôme sur ce que nous on appelle la gestion par les normes, c'est-à-dire comment aujourd'hui les normes environnementales et sanitaires, qui sont présentées comme étant la panacée pour sauver la planète et pour protéger les populations, servent principalement de moteur à l'industrialisation de l'agriculture, en choisissant de dire il faut que vous modernisiez. Moderniser veut dire mis aux normes, et ces normes en fait sont accessibles la plupart du temps que par les fermes qui ont suffisamment de capitaux pour pouvoir les mettre en place, parce que ça coûte cher, et en même temps il y a une subvention qui aide à ça. La subvention n'est accessible que quand on a suffisamment de capitaux pour faire l'autofinancement sur la partie qui n'est pas subventionnée. Donc ça continue à sélectionner les fermes qui vont pouvoir y accéder et qui vont du coup toucher les primes agricoles, comme c'est le cas depuis le début, c'est-à-dire que les primes servent beaucoup, avant tout, à grossir le capital des fermes qui se modernisent, s'industrialisent. Voilà, donc c'est ça qu'on voulait discuter avec les gens, déjà comme premier constat, et ensuite de dire il faut réagir collectivement, et à la fois au fait que Jérôme Laronze a été abattu, que les agriculteurs et agricultrices sont tous isolés dans leurs fermes, et il faut se regrouper pour arrêter et pour porter un conflit avec l'administration, en disant ça suffit, vous n'allez pas en permanence sous couvert de bien-être. Un coup pour la planète, un coup pour les animaux, un coup pour le consommateur, qu'on sait être faux, c'est-à-dire que ce que vous mettez en place ne résout pas ce que vous dites de vouloir résoudre avec ces normes, et par contre on constate dans les faits que ça fait disparaître de plus en plus de fermes non industrielles, ou de plus en plus de fermes qui choisissent des processus qui ne sont pas industriels. Voilà, donc du coup on s'est retrouvé à 140 agriculteurs, agricultrices et soutiens, qui sont retrouvés là pendant deux jours à Sanves pour discuter de ça. On a constaté qu'il y avait on lançait cet appel, nous, un peu, en se disant, bon, on va voir. En tous les cas, on est déjà un certain nombre à se sentir touchés par ça et écrasés par ce fonctionnement-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont s'y reconnaître ? Et oui, voilà, il y a eu du monde. On a débattu de ça. On envisage, du coup, la création de collectifs locaux qui vont pouvoir étudier dans chaque endroit, déjà qu'il y ait une proximité entre les personnes, et ensuite voir concrètement comment elles peuvent s'organiser sur différents aspects qui peuvent aller de le point ultime de la réglementation et de l'administration et des normes, c'est de venir contrôler dans les fermes que cette réglementation est bien appliquée. C'est comme ça que Jérôme Laronze a subi un harcèlement de contrôle jusqu'à sa mort. Et du coup, d'envisager avec ce collectif d'agriculteurs contre les normes, de s'opposer à des contrôles pour dire non, vous n'allez pas venir à chaque fois faire culpabiliser, mettre la pression, venir avec des gendarmes, comme ça s'est passé pour Jérôme Laronze, dans des fermes pour y appliquer, vérifier l'application de normes qui ont pour objectif de nous faire disparaître. Donc est-ce qu'on peut créer une force, un rapport de force qui permettrait de s'opposer à ces contrôles? Ça, c'est un des premiers aspects qui est réfléchi, parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans la situation de Jérôme Laronze seul et à devoir se faire écraser par l'administration s'il y a de la répression. Donc il faut réfléchir à que se construise un rapport de force. De la même manière, il y a des expériences italiennes, là, les Italiens sont venus aux rencontres pour nous raconter comment eux, face pareil à une vague de réglementations énormes qui faisait disparaître beaucoup de petits labos de transformation, beaucoup de petites activités agricoles, ils ont décidé de lancer des marchés qui étaient des marchés illégaux, en disant à toutes les personnes aux consommateurs, on va dire, les consommatrices ou toutes les personnes qui se nourrissent de ces produits-là, venez sur ces marchés, vous y trouverez des produits dont on vous garantit qu'ils respectent aucune norme. Et c'est à peu près la seule manière qu'on peut vous assurer que vous allez manger comme il faut et que nous, on pourra gagner notre vie avec. Alors ça a réuni un certain nombre de personnes quand même, hein. C'est pas une petite chose. Hein. C'est pas une petite Non, c'est aujourd'hui 3 000 à 4 000, plus de 4 000 fermes, agriculteurs et agricultrices en Italie qui sont dans ce mouvement-là un peu partout au travers de l'Italie, avec par exemple à Bologne un marché tous les jours, c'est-à-dire 7 marchés hebdomadaires. Avec au début l'État qui se dit non, on peut pas laisser faire ça, et face au nombre de gens qui viennent sur ces marchés pour s'y nourrir et d'autres pour y vendre et discuter, et ben ils ont dû les laisser faire, quoi. Disons qu'en Italie c'est un peu différent, la paix sociale a été beaucoup moins achetée par un encadrement, on va dire, étatique, que ce soit le RSA ou autre, ce qui fait qu'il y a une nécessité pour beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices de s'organiser pour pouvoir survivre. Du coup ça touche beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il y a des milliers d'agriculteurs qui sont dans cette situation-là. Donc ça nous inspire en se disant, ben voilà, une autre solution pour pas se retrouver seul, des agriculteurs, des agricultrices face à l'administration, demander à des personnes qui se nourrissent de nos produits de venir soutenir sur des marchés le fait qu'on s'oppose à ce que ces normes industrielles s'appliquent, quoi. Pierre, je suis désolé, mais on va bientôt devoir arrêter cette interview. Ouais. Je ne sais pas si tu avais une autre chose à dire. Ce qui serait intéressant peut-être, c'est de donner un contact et puis oui, éventuellement un autre rendez-vous, s'il y en a. Exactement. Bah, le contact du collectif, c'est donc hors norme, donc ça s'écrit hors.norme, norme, au singulier, hors.norme@riseup.net, riseup.net, N-E-T. Donc là-dessus, vous pourrez avoir les différents textes qu'on a écrits, ce qu'on va organiser à venir, des adresses, des contacts locaux de là où vous êtes, de gens qui s'organisent en collectif par rapport à ça. Il y a des rencontres qui sont prévues le 20-21 janvier 2018. Le lieu n'est pas encore définitivement fixé. Ça sera probablement au même endroit à Sanves, mais voilà, on fera passer par cette adresse internet, si vous leur écrivez, le lieu définitif. Mais en tout cas, ça sera le 20-21 janvier. Et puis peut-être on enverra l'information à votre radio pour que vous puissiez la relayer, quoi. Voilà. Ça serait bien. En tout cas, on se tiendra au courant. Ok, bah, merci beaucoup. Voilà, donc cette émission se termine. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Thank you. Yeah.